إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لتتحققوا اتخاذكم إياه نبيا، اتبعوه واتخذوه إماما، واتبعوا سنته لتحشروا في زمرته وتنالوا شفاعته صلى الله عليه وسلم. اتبعوا أيها المسلمون سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لتسعدوا في الدنيا والآخرة وتفوزوا بالتجارة الرابحة. اتبعوا سنة نبيكم فإنها تشمل كل خير وترفض كل شر. أيها المسلمون والمسلمات، إن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي حققها بفعلها والتي دعا إليها بقوله وحتمها بأمره واقتضتها الفطرة التي فطر الله عباده عليها، هذه السنة قد تهاون بها كثير من الناس، وهي إعفاء اللحى وحف الشوارب، أي ترك اللحى مطلقة لا تحلق وحف الشوارب لا تسبل. إن قضية اللحية في الحقيقة ليست مجرد شعيرات، ولكن اللحية شعيرة من شعائر الإسلام، وسوف نرى إن شاء الله تعالى اليوم باختصار أن هذه القضية ليست بالسهولة التي يتخيلها كثير من الناس بأنها مجرد شعيرات. Chers musulmans et musulmanes, suivez la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de véritablement le considérer comme un prophète et le suivre. Prenez le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un guide. Suivez sa sunna sallallahu alayhi wa sallam afin que vous soyez ressuscités à ses côtés sallallahu alayhi wa sallam. Suivez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi vous bénéficierez de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous connaîtrez la joie et le bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Suivez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cette sunna englobe tout bien et refuse tout mal. Et sachez que fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam une sunna qu'il a mis en pratique alayhi salatu wa sallam, une sunna à laquelle il a appelé par sa parole, une sunna qui fait partie des choses innées qu'Allah azza wa jal a créé chez l'être humain. Cette sunna que beaucoup de gens, malheureusement, ont méprisée, qui est le fait de se laisser pousser la barbe et de se tailler les moustaches. Et sachez que le sujet de la barbe ne concerne pas uniquement des poils, mais la barbe est bel et bien un emblème parmi les emblèmes de l'islam. Et nous verrons à travers ce discours, de façon brève, que le sujet de la barbe n'est pas un sujet aussi simple que pourraient le penser beaucoup de gens. إن إعفاء اللحية طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فتأمل وصف الإيمان، لأن المؤمن هو الذي من شأنه أن يستجيب لحكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ففي الآية الأولى قال عز وجل إذا قضى الله ورسوله أمرا، وفي الآية الثانية قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فمما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحى. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى، رواه مسلم. وهذا الأمر ورد بصيغ متعددة كلها تدل على ترك اللحية على حالها، منها قوله عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى، وقال في حديث آخر أوفوا اللحى، وقال أرخوا اللحى، وقال عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى. فهذه كلها أوامر متنوعة تؤدي إلى غرض واحد، وهو الأمر بإعفاء اللحية. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس. وجاء أيضا في حديث صحيح أن رجلا من المجوس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته وأطال شاربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال المجوسي هذا ديننا، أي هذا ديننا معشر المجوس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في ديننا أن نحفي الشوارب وأن نعفي اللحى. وروى ابن جرير في قصة رسول كسرى لما أرسل كسرى رسوليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما وأعفيا شواربهما، كره النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليهما وقال ويلكما من أمركما بهذا؟ قال أمرنا ربنا، يعنيان كسرى أي ملك فارس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. Chers musulmans et musulmanes, sachez que de laisser pousser la barbe est une obéissance à Allah et une obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit, il n'appartient pas aux croyants ni aux croyantes lorsqu'Allah et son prophète ont décrété un commandement d'avoir encore le choix de le faire ou de ne le pas faire. Et regardez comment Allah Azza wa Jal s'adresse en parlant de la foi, il n'appartient pas aux croyants et aux croyantes. Car le croyant a pour habitude de répondre à l'appel d'Allah et à l'appel de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit également Azza wa Jal dans sourate An-Nur que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ses commandements que ne les touche une tentation ou qu'ils ne soient frappés d'un châtiment douloureux. Dans le premier verset, Allah Azza wa Jal dit lorsqu'Allah et son prophète décident d'un jugement ou d'un commandement. Et dans l'autre verset, Allah Azza wa Jal nous met en garde d'aller à l'encontre des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nul doute que parmi les choses qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de laisser pousser la barbe. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhum a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de tailler la moustache et de laisser pousser la barbe. Rapporté par Muslim dans son sahih. Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nombreux à ce sujet. Le prophète alayhi salatu wassalam a même utilisé une multitude de termes qui veulent dire la même chose. A'ful liha, laisser pousser. A'ful liha, arkhul liha, porter la barbe. Wafirul liha, laissez vos barbes pousser. Tous ces termes ont un seul et même objectif, montrer aux musulmans que laisser pousser sa barbe est une obligation en islam. Et dans le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: coupez vos moustaches et laissez pousser vos barbes, ne faites pas comme les mages, les adorateurs du feu. Et lorsqu'un homme parmi les mages est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait la barbe rasée et laissait pousser sa moustache. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: qu'est-ce que ceci? Il a répondu: cela est notre religion. C'est-à-dire, cela est notre religion, nous les mages. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: quant à nous, notre religion, c'est de tailler la moustache et de laisser pousser la barbe. Al-Imam Ibn Jarir, rahimahullah, rapporte l'histoire de Kisra, l'empereur des Perses au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait envoyé deux de ses émissaires pour essayer de capturer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils sont arrivés à Médine et lorsqu'ils étaient en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient les barbes rasées et laissaient pousser leurs moustaches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détesté porter le regard sur eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas regarder cela et leur a dit: malheur à vous, qui vous a ordonné de faire ainsi? Ils ont répondu: c'est notre maître, c'est-à-dire le roi des Perses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu: quant à mon seigneur, il m'a ordonné de laisser pousser ma barbe et de tailler ma moustache. Et nasirat al-amr, ayyuha al-muslimoun, tadullu ala wujub imtithali hada al-amr, بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وعلى الجهة المقابلة فحق اللحية يعد معصية محرمة، فقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقال عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. والأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها يستلزم النهي عن حلقها. والقاعدة الفقهية تقول: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذا أمرت بالسكوت فهو نهي عن الكلام، وإذا أمرت بالقيام فهو نهي عن القعود، وكذلك إذا أمرت بإعفاء اللحية فهو يتضمن أن يستلزم النهي عن ضده وهو حلقها. وإعفاء اللحية سنة محمدية، وثبت في صفته عليه الصلاة والسلام الخلقية أنه كان كث اللحية عظيمها. كان فعن أنس رضي الله عنه قال: كانت لحيته صلى الله عليه وسلم قد ملأت منها هنا وها هنا، وأمر يده على عريضيه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر وفي العصر باضطراب لحيته، ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام من الخلف وهو يصلي. وذلك عندما سئل الصحابة: بما كنتم تعرفون قراءته؟ قالوا: باضطراب لحيته، يعني باهتزازها. والحديث رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. وهذا يدل على عظم لحيته عليه الصلاة والسلام، بحيث أنه يحتاج إلى تخليلها. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que la formule d'ordre, la formule dans laquelle l'on exige une chose, prouve son obligation, prouve l'obligation de mettre en pratique cet ordre, de telle sorte que celui qui accomplit l'ordre sera récompensé et celui qui le délaisse sera réprimandé. Ainsi, de l'ordre de laisser pousser sa barbe en découle l'interdiction de la raser. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et celui qui désobéit à Allah et à son envoyé, alors, et c'est alors égaré d'un égarement manifeste. Et il dit aussi, Azza wa Jal, et celui qui désobéit à Allah et à son prophète, alors à lui, le feu de l'enfer dans lequel il y restera éternellement. Ainsi, l'obligation et l'ordre de se laisser pousser la barbe impliquent l'interdiction de la raser. Et la règle, en islam, la règle juridique est que l'ordre d'une chose revient à interdire son contraire. Ordonner une chose revient à interdire son contraire. Lorsque l'on t'ordonne de te taire, ceci est une interdiction de parler. Lorsque l'on t'ordonne de te lever, ceci est une interdiction pour toi de t'asseoir. De la même façon, lorsque l'on t'ordonne de laisser pousser ta barbe, cela est une interdiction de faire le contraire, à savoir de la raser. Et sachez que de laisser pousser la barbe fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne faut pas comprendre de la sunna que c'est une chose préférable, mais il faut comprendre de la sunna son terme linguistique, à savoir que c'est la voie qu'a emprunté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la voie à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle sa communauté. Il a été rapporté dans la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait une immense barbe. Anas radiyallahu anhu dit que la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam remplissait de la ala, en montrant ses deux mains et en montrant que la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam était large, de telle sorte qu'elle recouvrait sa poitrine sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons radiyallahu anhum savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran pendant la prière à voix basse, que sont les prières de Dhuhr et de l'Asr en l'occurrence, par les mouvements de sa barbe. Il regardait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de derrière son dos en train de prier. Ceci lorsque les compagnons ont été questionnés. Comment saviez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait pendant les prières à voix basse? Ils ont répondu, nous le savions grâce au mouvement de sa barbe. Ainsi la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement grande qu'elle se voyait de derrière son dos, alayhi salam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions, il prenait une poignée d'eau et frictionnait sa barbe. Ceci nous montre que la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam était grande et avait besoin d'être frictionnée. Wa la hadithu fi dhalik kathira. كلها تؤكد أنه صلى الله عليه وسلم كان عظيم اللحية فيا عجبا ممن يدعون حبه صلى الله عليه وسلم ثم هم لا يحبون صورته بل يفضلون عليه صورة أعدائه والله تبارك وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فالمحبة التي لا تضطر صاحبها إلى اتباع المحبوب والتشبه به ادعاء للمحبة وليست بمحبة حقيقية وقد قال بعض الصحابة رضي الله عنه بينما أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أنقى وأتقى فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أتقى لربك وأنقى لثوبك حتى لا يتسخ فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحة يعني إن هذه بردة رخيصة لا يخشى منها أن يكون هناك كبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لك في أسوة قال فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيا حالق اللحية ماذا يكون جوابك إذا أخذت تسرد المعاذيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك أما لك في أسوة؟ Sachez, chers musulmans et musulmanes, que les hadiths sont nombreux et tous prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une immense barbe. L'étonnement est donc immense. L'étonnement est immense sur ces personnes qui prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais n'aiment pas son apparence. Au contraire, ces personnes, ou certaines personnes qui prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ne veulent pas lui ressembler physiquement, ils préfèrent au contraire ressembler aux ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ainsi, un amour qui ne t'amène pas à suivre celui que tu aimes n'est pas un amour véritable. Ce n'est qu'une prétention. Certains parmi les compagnons radiyallahu anhu a dit, alors que je marchais à Médine, j'entendis une voix derrière moi me dire, lève ton vêtement, car cela est plus pieux et plus propre. Il s'est retourné, il a constaté que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon portait un vêtement qui traînait par terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lève ton vêtement, car cela est plus pieux vis-à-vis de ton Seigneur, et cela est plus propre pour ton vêtement. Et ce compagnon, radiyallahu anhu, a répondu, ce n'est qu'un vêtement simple et modeste, c'est-à-dire que ce n'est pas un vêtement de grande valeur à travers lequel je recherche une ostentation ou autre. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu. Et écoutez bien la réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne suis-je pas pour toi un exemple? Ne suis-je pas pour toi un exemple? Il a alors regardé la tenue vestimentaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a vu que son hizar arrivait à la mi-mollet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, ô toi qui rases ta barbe, quelle sera ta réponse ou quelles seront les excuses que tu apporteras au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il te répondra n'étais-je pas pour toi un exemple? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Taqaddamu barakallahu fikum fa inna akhwanakum 'inda bab al-masjid. Avancez barakallahu fikum car vos frères sont à l'extérieur de la mosquée. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن إعفاء اللحية من سمت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودل القرآن العظيم على أن هارون عليه السلام كان موفرا شعر لحيته قال تعالى حكيا عنه قوله لموسى عليه السلام قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي فلو كان حالقا لما وقع الأخذ بلحيته وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين المهديين وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنهم كانوا ذوي لحى كبيرة فكان أبو بكر رضي الله عنه كث اللحية وكان عمر كثير اللحية وكان عثمان كبير اللحية وكان علي رضي الله عنه عريض اللحية قد أخذت ما بين منكبيه فهؤلاء أعقل الأمة كلها بإجماع علمائها ولم ينقل عن أحد من السلف الصالح أنه حلق لحيته لعدم جوازه عندهم ولو كان خيرا لسبقون إليه واعلموا أن المذاهب الأربعة متفقة على تحريم حلق اللحية فلو فتشت في طول صفحات التاريخ الإسلامي وعرضه لم تجد من أئمة الهدى من كان يحلق لحيته، وإنما تسربت إلينا هذه الفعلة واستمرأها بعض المسلمين لما اتصلوا بالكفار حين احتلوا بلاد المسلمين أو حين رحل بعضهم إلى بلاد الكفر. واعلموا أن إعفاء اللحية رجولة وفحولة، وكما أن من جمال المرأة أن تعدم اللحية والشارب في وجهها، فإن جمال الرجل وهيبته ووقاره في لحيته وشاربه. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que de laisser pousser la barbe fait partie également de la voix et des comportements des prophètes d'Allah alayhim salam. Le Coran vient nous montrer que Haroun alayhi salam avait une longue barbe. Allah Azza wa Jal nous cite la parole de Haroun alayhi salam qu'il a adressée à son frère Moussa lorsque Moussa alayhi salam, après s'être absenté un certain nombre de jours, il est revenu en trouvant son peuple qui avait commencé à prendre un veau comme divinité. Et il avait laissé derrière lui Haroun avec des recommandations. Et lorsque Haroun alayhi salam a vu Moussa revenir, il lui a dit « Ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. » S'il avait la barbe rasée, Moussa alayhi salam n'aurait pas pu le saisir par la barbe. Et sachez également que les califes bien guidés de l'islam, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis, avaient une longue barbe. Abu Bakr radiallahu anhu avait une barbe fournie. Omar radiallahu anhu avait une grande barbe. Uthman radiallahu anhu avait une longue barbe. Ali radiallahu anhu avait une barbe large qui s'étendait entre ses deux épaules. Ceux-ci sont les meilleurs de cette communauté. Et il n'a été rapporté par aucun des pieux prédécesseurs qu'il a rasé sa barbe. Car ceci était interdit chez eux. Et s'il y avait un bien à raser la barbe, alors nul doute que ces personnes vertueuses et pieuses nous auraient précédés à cela. Et sachez que les quatre madhab, le madhab de l'imam Ahmed, de l'imam Al-Shafi'i, de l'imam Abu Hanifa et de l'imam Malik sont tous unanimes qu'il est interdit aux musulmans de raser sa barbe. Cherche dans les pages de l'histoire musulmane, chers musulmans et musulmanes, tu ne trouveras aucun parmi les imams de cette religion qui a rasé sa barbe. Mais le rasage de la barbe nous est venu lorsque les musulmans ont côtoyé les non-musulmans, lorsque les musulmans ont colonisé les pays musulmans, lorsque des musulmans se sont rendus dans les pays de non-musulmans. C'est en étant et en voyant et en côtoyant les non-musulmans que malheureusement un certain nombre de musulmans, si ce n'est beaucoup de musulmans, ont pris de cette mauvaise habitude. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de nous différencier des non-musulmans en taillant nos moustaches et en laissant pousser nos barbes. Et sachez également que de laisser pousser la barbe est une marque de virilité. Comment faisons la distinction? Et c'est une marque de virilité également chez les animaux. Comment différencions-nous le lion de la lionne, par exemple? Et de la même façon qu'une femme qui n'a pas de barbe ni de moustache, que ceci est une beauté pour elle, de la même façon fait partie de la beauté de l'homme, de sa virilité, le fait qu'il ait une barbe et une moustache. Nasallallahu azza wa jal an yaj'alana hudata muhtadin ghayra ad-dallin wa la mudillin wa an yaj'alana min alladhina yatamassakuna bi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma aj'alna min alladhina yatamassakuna bi sunnati nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam zahiran wa batina. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikeen. Allahumma man arada bil islam wal muslimin khayran fawaffiqhu likulli khayr, ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم أعن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوهم يا قوي يا عزيز. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.